Donc la suite, c'est le début d'une petite série d'écoutes autour des bruiteurs de Kiko et Seva, en résonance avec le concert qui sera donné le samedi 12 avril au Salon d'écoute, et qui présente une pièce qui est composée de quelques-uns de ces sons de bruiteurs. On peut lancer le sujet directement. Ok, parce que ça nous explique ce qu'est un bruiteur dans tout le sujet. Tout à fait. Génial, on se réjouit. Kiko et Seva est un artiste lausannois, à ses débuts guitariste dans divers groupes punk suisses, puis compositeur électroacoustique, improvisateur et inventeur sonore sous son nom, celui de Nonobstant et celui de Nouveau-Né. Kiko et Seva nous a quittés en novembre 2024. Sa pièce, Fragment archéologique en Circadie, est programmée samedi 12 avril à 22h dans le salon d'écoute du Festival Archipel. Elle s'articule en partie autour de bruiteurs, des objets fabriqués par l'artiste et qui produisent des bruits. En résonance avec ce concert, nous allons chaque jour faire entendre un de ces bruiteurs joué par Kiko et Seva lui-même. Ces enregistrements sont issus d'une micro-édition autoproduite parue en 2022. Chaque bruiteur y est nommé et quelques-uns photographiés. Un court texte éclaire cette démarche attentive aux variations et aux aspérités de ces sons qui tournent imparfaitement rond. Je me tiendrai ici au partage de l'enregistrement de l'objet en guise de seule description, sobrement introduite par son titre. Mais pour ouvrir cette série, je tiens toutefois à adresser ma gratitude à Sylla Lorage et à Francisco Merino pour la généreuse mise à disposition de cette édition. Bruiteurs, Kiko et Seva. Aujourd'hui, A1, trois tubes motorisés.